Choi Tae-bo, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti Travail de Corée, en visite en République démocratique populaire du Laos, à la tête de la délégation du Parti Travail de Corée, a rencontré le 7 au siège du comité central du Parti populaire révolutionnaire laotien, Tan Si Posikam, membre du bureau politique, secrétaire et président du comité d'organisation du comité central du Parti populaire révolutionnaire laotien. La délégation du Parti Travail de Corée a été invitée le même jour au banquet offert par le comité central du Parti populaire révolutionnaire laotien.